épisode de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gamezo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Soyez les bienvenus dans mon émission Autour de vous qui traite de l'actualité locale, des manifestations à venir et des artistes à suivre. Je suis actuellement avec Christelle. Christelle, bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, merci, je vais bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Alors je suis là en tant que responsable du secteur jeunesse de la médiathèque intercommunale de Vanier. Donc je travaille avec les enfants principalement, les adolescents, mais ça m'arrive aussi de travailler de manière générale aussi sur les événements globaux de la médiathèque. En quoi consiste votre travail ? Alors il y a plusieurs parties à mon travail. La première finalement c'est celle de tous les bibliothécaires, c'est-à-dire s'occuper des collections, accueillir le public, conseiller, etc. Et en tant que responsable jeunesse, du coup, je m'occupe du coup d'enrichir les collections jeunesse de proposer des animations aux enfants, aux adolescents et aussi de travailler avec les écoles. Beaucoup d'ailleurs avec les écoles. Est-ce qu'il faut un diplôme ou une formation pour exercer cette profession ? Alors, techniquement, on est censé avoir effectivement un diplôme et surtout un concours, mais c'est quelque chose qui est compliqué finalement à mettre en place. Donc, il y a la partie théorique et la partie pratique où la principale chose qu'il faut avoir finalement, c'est la passion et l'envie de faire ce métier. Bah, dans toute profession, quand il y a beaucoup, beaucoup de théorie, on se rend compte que quand c'est dans la pratique, c'est compliqué à mettre en œuvre en fait. C'est vrai. Est-ce que vous aviez un parcours particulier avant d'être responsable du secteur jeunesse ? Oui, j'ai eu une scolarité un petit peu dans tous les sens, avant de savoir ce que je voulais faire. Quand j'ai su ce que je voulais faire, du coup, j'ai commencé à travailler en parallèle de mes études dans une médiathèque à Nancy. Donc j'y travaillais un week-end sur deux et ça a confirmé que voilà, c'était ce que je voulais faire. Donc du coup, une fois mes études terminées, j'ai travaillé à la médiathèque du Val d'Argent, donc en tant que service civique. Donc où j'ai pu vraiment toucher à toutes les parties du métier. Une fois que mon service civique a été terminé, j'ai cherché un poste ailleurs dans la région, donc du coup plutôt dans les Vosges et puis en Alsace parce que du coup j'habite dans les Vosges. Et j'ai trouvé en premier lieu un poste de responsable de petite médiathèque qui se trouve dans l'Ouest Vosgien, donc près de Neufchâteau. Et quand ce contrat a été terminé, c'est là que du coup j'ai pu trouver ma place du coup là où je suis actuellement à Vanier. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre profession ? L'échange des connaissances, que ce soit avec les usagers et faire partager aussi des choses. Et puis l'échange de la culture, bien entendu, principalement, que ce soit littéraire, que ce soit cinéma, que ce soit les jeux aussi. Ça va dans tous les sens. Est-ce que vous travaillez en équipe ? Oui, on est une équipe de 4 ou 5 bibliothécaires. Donc je dis 4 ou 5 parce qu'en ce moment, on est en recherche d'une directrice pour la médiathèque. Mais sinon, on est encore 4 personnes sur place en ce moment. Voilà, donc oui, travaille en équipe, effectivement. Depuis quand vous travaillez à la médiathèque intercommunale de Vanier ? Ça fait un peu plus d'un an maintenant, je suis arrivée en mars 2021. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler dans une médiathèque, plus une bibliothèque ? Je sais qu'il y a une différence entre les deux, on en parlera juste après. Oui, alors il n'y avait pas spécialement envie de travailler soit dans une bibliothèque, soit dans une médiathèque. Comme je dis, le principal pour moi, c'est l'échange des différentes choses. Après, aujourd'hui, c'est difficile de trouver que des bibliothèques, c'est beaucoup des médiathèques, donc c'est un petit peu finalement par la force des choses, quoi. Ah, nous allons faire une première pause musicale avec un son que vous avez choisi avant de parler de la médiathèque et on se retrouvera juste après la pause. À tout de suite sur RGM 107FM. Get hot, get too close to the flame. Wild open space. Talk like an open book. Sign me up. Got no time to take a picture. I'll remember someday. We're so close to something better left unknown. We're so close to something better left unknown. I can feel it in my bones. Give me sympathy. After all of this is gone, who would you rather be? The Beatles or the Rolling Stones? Come on, baby, play me some. Nous voici de retour avec Christelle pour parler de la médiathèque intercommunale de Vanier. Alors moi j'ai deux questions, qu'est-ce qu'une médiathèque et qu'est-ce qu'une médiathèque intercommunale ? Alors, la médiathèque, pour faire la différence un peu avec la bibliothèque, c'est une bibliothèque dans laquelle on ne trouve pas que des livres, mais on va trouver aussi des DVD, des CD, des jeux vidéo, des jeux de société. En fait, c'est, au lieu de trouver juste des livres, on trouve beaucoup plus de choses, en fait, tout simplement, dans la médiathèque. Et pourquoi intercommunale ? Eh bien, en fait, c'est une question de territoire, en fait, tout simplement. Vous pouvez trouver des médiathèques communales, municipales, vous pouvez trouver voilà, ce genre de choses, médiathèques départementales aussi, mais là, c'est encore autre chose, c'est encore à part. Et en fait, c'est juste intercommunal parce que c'est la médiathèque qui regroupe, dans laquelle on accueille les usagers, les personnes qui viennent de toute la communauté de communes des Hauts-de-Vosges. Voilà, tout simplement. Enfin, quand je dis qui accueille, ça veut pas dire que les autres personnes ne peuvent pas venir dans notre médiathèque, bien sûr. Mais voilà, c'est nos usagers prioritaires sont ceux de la communauté de communes. Ah, j'ai découvert aussi qu'il y avait une ludothèque. Est-ce que vous faites aussi ludothèque ? Parce que je sais que ça existe à Remiremont, mais je sais pas si ça existe dans d'autres médiathèques. Alors nous, on fait pas ludothèque. Effectivement, on travaille avec la ludothèque de Remiremont, qui vient d'ailleurs une ou deux fois par mois, on leur prête la structure. Donc ça arrive, voilà, qu'on travaille avec la médiathèque de Remiremont. Par contre, nous, on ne fait pas ludothèque. On propose des jeux de société auxquels les personnes peuvent jouer sur place, mais malheureusement, on ne peut pas les prêter. Pas pour le moment, en tout cas. On espère un jour pouvoir le faire, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Vous vous occupez du secteur jeunesse. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs dans la médiathèque ? Oui. Alors, il y a le secteur adulte. Donc, on sépare la jeunesse et l'adulte. Et du coup, il y a aussi la responsabilité de l'accueil, tout simplement. Il y en a combien en tout ? Il y en a deux, du coup ? Il y a deux secteurs en tout, oui. Alors, deux secteurs principaux. Après, on a aussi le service presse, donc avec les magazines et les journaux. Combien de personnes travaillent à la médiathèque ? Alors, on est quatre actuellement. Quel est l'âge moyen du public que vous recevez dans votre secteur ? Alors, dans mon secteur, vraiment secteur jeunesse, alors. On va dire, principalement des élèves de primaire, j'ai envie de dire, pour les âges. On a bien sûr aussi des tout-petits qui viennent, mais c'est beaucoup, effectivement, principalement des élèves de primaire. On commence à les perdre un petit peu quand ils arrivent au collège. Est-ce que ce ne sont que des personnes qui viennent en période scolaire, justement ? Non. Là, pendant les vacances, par exemple, qui viennent de se terminer, on a eu beaucoup, beaucoup d'enfants qui venaient aussi D'ailleurs, on a l'impression qu'on a un peu plus de monde en été, parfois, parce que la fréquentation est plus étalée sur la semaine, alors qu'en temps normal, on va avoir beaucoup de monde le mercredi, beaucoup de monde le samedi, et moins les autres jours d'ouverture. Alors que là, pendant les vacances, on sait jamais à quelle sauce on va être mangé, parce que du coup, voilà, il y a beaucoup de fréquentation sur toute la semaine. Est-ce qu'il y a beaucoup de manifestations scolaires à la médiathèque ? Alors, disons qu'on, plus ou moins, on a entre 2 et 4 accueils de classe par semaine avec les écoles. Parce qu'en fait, du coup, on a énormément d'écoles sur notre secteur. Vu que c'est du coup médiathèque intercommunale, on reçoit jusqu'aux élèves de Ventron et de la Bresse. Donc du coup, on a beaucoup d'écoles qui viennent. Et du coup, on les répartit les mardis, les vendredis matins sur 2 créneaux horaires. Donc ça fait beaucoup, beaucoup d'interventions scolaires, effectivement. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent en dehors des périodes scolaires ? Alors, les jeunes adolescents ou plutôt les enfants ? Peu importe. Alors, hors période scolaire, bah, comme je disais, effectivement, on a beaucoup de fréquentation pendant les vacances. Donc, hors période scolaire, on a quand même effectivement beaucoup d'enfants qui viennent. Les adolescents, un petit peu moins. Ah oui, il y a la télé, il y a la série, les jeux vidéo. Pas seulement ça, parce qu'on voit aussi qu'ils sortent beaucoup entre amis. Mm-hmm. Je pense que pour le public adolescent, je pense qu'ils gardent en tête la bibliothèque où il faut rester silencieux, on n'a pas le droit de faire de bruit, on va nous embêter. Donc du coup, ils ont plus de mal à venir. C'est difficile de leur faire comprendre que, en fait, on n'est pas là pour les embêter. Au contraire, on veut qu'ils viennent, on veut qu'ils s'amusent chez nous, on veut qu'ils lisent, mais pas seulement. On veut aussi qu'ils fassent des jeux vidéo, des jeux de société, qu'ils partagent aussi leurs envies. Aussi, s'ils ont des envies particulières qu'ils veulent trouver à la médiathèque, il ne faut pas qu'ils hésitent non plus à venir nous en parler. Mais c'est difficile à leur faire passer le message. Quel genre de manifestations peuvent se dérouler à la médiathèque ? Est-ce qu'il y a des expositions, par exemple ? Oui, on a des expositions. Alors, on n'en fait pas tout le temps, mais on en fait quand même régulièrement. On en a eu deux, par exemple, cet été. Donc, une première, les dessins d'enfants. Donc, pendant toute l'année, pendant un peu plus d'un an, on avait mis à disposition une grande feuille de papier blanche qu'on changeait régulièrement, sur laquelle les enfants pouvaient dessiner. Alors, on faisait des thèmes, par exemple, à Noël. Quel cadeau voudrais-tu pour Noël ? Ou pour la fête des mères, un petit mot doux pour maman. Et on a mis ça en exposition au début de l'été. Et là, sur les derniers jours de l'été, on avait une exposition sur les oiseaux, par exemple. Après, on propose aussi voilà, des ateliers créatifs, des conférences, ateliers créatifs aussi bien enfants qu'adultes, hein, je précise. On propose des lectures aussi. On a des intervenants qui viennent. Donc, on a par exemple une dame qui s'appelle Mélissa Serfag et qui propose des ateliers bien-être pour les vraiment tout petits, donc pour les bébés de 0 à 18 mois, donc avec leurs parents. Dans les ateliers bien-être pour les bébés, c'est quoi comme activité ? Alors, ça va être des petits massages, des petits moments calmes. Le but, c'est de faire un échange détente entre les parents et leurs enfants, voilà, pour détendre aussi bien le bébé que la maman ou le papa qui peuvent être un petit peu stressés, surtout dans les premiers mois. Est-ce que vous avez déjà reçu des auteurs de livres, par exemple ? Oui, on a reçu. On a par exemple eu pour la première fois un salon du livre au début d'été. Donc là, ça a été organisé par ma collègue Chloé Trouillot du secteur adulte, du coup. Oui, on a reçu plusieurs auteurs locaux. Et puis ça peut arriver aussi, bien sûr, qu'on fasse intervenir des auteurs ou des illustrateurs individuellement. Quel est le type de livre le plus consulté ? Les bandes dessinées, les romans, par les jeunes ? Alors, par les jeunes, ça va être effectivement beaucoup les BD et beaucoup les albums. Donc, les BD, ça va plus être du coup pour ceux qui commencent et qui savent déjà lire, mais qui n'ont pas envie de se prendre tout de suite un roman en main. Et les albums, ça va être beaucoup les plus petits, du coup, qui viennent chercher les albums avec papa et maman. Quel genre de médias il y a à la médiathèque ? Alors, on a des livres, bien entendu. on a aussi des CD. Des livres lus aussi, qui sont pas forcément très connus. Donc ça va être un livre que vous pouvez trouver en format papier, mais que du coup on pourra aussi le trouver en format CD. On a aussi une bonne collection de DVD. Donc du coup, comme je le disais tout à l'heure, jeux vidéo et jeux de société également. Donc sachant que les deux-là, par contre, sont consultables sur place, mais ne peuvent pas être empruntés. Quel genre de média est le plus consulté par les jeunes, par les adolescents par exemple ? Alors ça va beaucoup être, par les adolescents, ça va surtout être les mangas qui vont sortir, mais beaucoup les livres quand même. Les adolescents ne vont bizarrement pas prendre beaucoup de DVD. Je pense qu'ils ont d'autres façons de regarder leurs films et leurs séries. Les streaming. Voilà, tout à fait. Est-ce que dans les médiathèques comme les bibliothèques, il est possible de faire une demande de prêt ou de livre ou de DVD ? Oui, bien sûr, on peut emprunter, il n'y a aucun problème. Alors ça va être gratuit pour les habitants de la communauté de communes et il y aura par contre une petite contribution pour les personnes qui sont en dehors de la communauté de communes. Au bout de combien de temps on doit les rendre ? Au bout de 3 semaines, sachant qu'on peut le renouveler quand même une fois, le prêt, à cette condition que les documents empruntés ne soient pas réservés par un autre usager. Quel genre de lecture conseilleriez-vous à un jeune bédéphile ? Alors, à un jeune, j'ai envie de lui dire, s'il ne connaît pas encore, il peut prendre Mortel Adèle. C'est quelque chose de super connu, mais tous les enfants ne connaissent pas, bizarrement. Donc, c'est une BD vraiment sympathique. Sinon, ils peuvent même... pour les jeunes, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à reprendre les classiques de papa et maman qu'ils avaient dans leur bibliothèque à l'époque. Les Schtroumpfs, ça sort tout, c'est génial. Astérix aussi. Voilà, Astérix, parfait. Et puis bon, après, on a bien sûr les nouveautés. Mais là, j'ai pas de titres vraiment qui me viennent en tête, mais on a plein de nouvelles lectures aussi, de nouvelles BD qui sont géniales aussi. Quel est l'univers le plus aimé des jeunes ? Le fantastique, la science-fiction ou autre ? J'ai envie de dire, ça dépend des tranches d'âge. Quand ils sont plus jeunes, je crois que ce qui leur parle le plus, ça va être les choses qui parlent de leur quotidien. Les histoires, la maîtresse, comment chasser les méchantes maîtresses ou ce genre de choses. Ou comment désobéir à maman. Non, en vrai, oui, ça va être voilà, les histoires qui parlent un peu de leur quotidien. Dans lesquels ils se reconnaissent. Alors qu'effectivement, quand on va vers les enfants un petit peu plus grands, qui commencent à être vers la préadolescence et adolescence, là, ils ont plus tendance à aller effectivement vers le fantastique. Parfois un peu vers le policier aussi, mais surtout le fantastique. Et vous, quel est votre univers préféré ? La fantasy. De mon point de vue, pour moi, c'est la fantasy. Et votre dernière lecture, votre dernier livre que vous avez lu, qui vous a le plus plu ? Alors, le dernier qui m'a le plus plu, c'est La passeuse de mots. J'ai un trou de mémoire sur les auteurs, parce qu'il y a 2 auteurs. J'ai un trou de mémoire sur le nom, désolée. Mais c'est La passeuse de mots, donc il y a 2 livres qui sont sortis de cette saga pour le moment. Et c'est une histoire vraiment très prenante, bah, dans un monde fantasy, hein, donc entre médiéval et renaissance. On n'arrive pas trop à situer vraiment l'époque. Et donc voilà, un grand mal qui se répand et une héroïne accompagnée de plusieurs amis qui va tout faire pour faire en sorte que les choses s'arrangent. Et c'est quoi justement l'univers fantasy, puisque je ne connais pas du tout cet univers ? Alors la fantasy, ça va être un univers imaginaire qui en général ressemble un peu à notre Moyen-Âge, ou à la Renaissance justement, dans une époque historique dans laquelle il va se passer, la magie est normalement à toute sa place. Ou pas, justement, des fois, c'est ça le problème, c'est que la magie est censée avoir sa place, mais il faut essayer de la retrouver. Voilà, on a souvent de l'aventure dans ces univers-là. Vous organisez un événement spécial pour les amateurs d'un héros qui est connu aussi bien dans les livres que dans les films, le 17 septembre. Si vous voulez savoir de qui il s'agit, amis auditeurs et auditrices de RGM, je vous propose de rester avec nous juste après ces 2 pauses musicales. On vous laisse donc avec Semisonic, ça se prononce comme ça ? Et Julien Granel, à tout de suite sur RGM 107 FM. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. So use it and prove it. Remove this whirling sadness. I'm losing and blues, but you. Nobody knows.

c'est la tempête, on est plus fort que ça. Plus rien nous arrête, on est plus fort que ça. Laisse passer la tempête, on est plus fort que ça. Plus fort. Voilà, avec Christelle pour parler d'un événement qui se déroulera le 17 septembre. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis midi et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via le 107FM, notre site internet ou par les applications mobiles Orange Radio et Radio Line. Nous pouvons également vous accompagner partout via la plateforme Deezer. Alors nous parlions d'un héros qui est apprécié des jeunes comme des plus âgés. Christelle, de qui il s'agit ? Il s'agit d'Harry Potter. Ah, le grand Harry Potter. Quel genre de livres ou de films sont associés à l'univers d'Harry Potter ? Est-ce que c'est du fantastique ? Alors oui, on est complètement dans l'univers fantastique, là. D'après vous, est-ce que les jeunes préfèrent lire les aventures d'Harry Potter ou plutôt de le regarder à la télé ou au cinéma ? Je crois qu'il y a un petit peu des deux. Il y a un petit peu des deux parce qu'à la médiathèque, on voit que tout est emprunté, aussi bien les DVD que les livres. Il y a tout qui sort. Il paraît que les gens sont souvent déçus par les adaptations de livres au cinéma, est-ce que c'est vrai ? Oui, je me suis souvent fait la réflexion parce que bah, du coup forcément moi en tant que grande fan d'Harry Potter, j'ai lu tous les livres plusieurs fois, j'ai vu les films plusieurs fois et je pense que y a un mélange en fait de deux choses. La première c'est effectivement que bah, adapter un livre en film c'est pas du tout évident parce que dans un livre il va y avoir énormément de détails qui ne peuvent pas être sortis et plus le livre est gros, ce qui est le cas d'ailleurs par exemple avec la saga Harry Potter, moins on peut mettre de détails dans les films. Donc du coup il y a beaucoup de choses qui ne ressortent pas dans les films. Donc il y a ce problème technique. Et il y a du coup, je pense que les gens ont tendance à avoir tellement aimé un livre qu'ils veulent vraiment revoir ce qu'ils ont imaginé dans le livre, ils veulent le revoir dans le film. Et c'est déjà en soi compliqué, mais en plus, si les gens partent avec ce principe-là, ça n'aide pas, je pense, à apprécier du coup après l'adaptation cinématographique. C'est un peu le même problème avec Le Seigneur des Anneaux, je crois. Parce que les livres sont vraiment énormes, c'est limite une encyclopédie. Et ça doit être compliqué de mettre tout ça au cinéma. Bah déjà que les films, ils durent plus de 3 heures, je crois. Je crois pas tous. Je crois qu'il y en a qui durent moins de 3 heures. Mais après, si on les prend en version longue, alors là, c'est bon, ils sont tous à plus de 3 heures. À 3 heures dans une journée, c'est waouh. Enfin, si on est pris dans le film, en vrai, ça va, ça passe bien. Alors, si on a du mal à accrocher dès le départ, puis qu'il y a une personne à côté de nous, mais attends, mais s'il va y avoir une action, reste. Justement, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être déçu par l'adaptation d'un livre en film ? Oui, ça m'est déjà arrivé. Mais alors, c'était pas du tout le même univers. C'était plutôt avec Da Vinci Code. Même si voilà, j'ai bien le principe hein, de voilà, l'adaptation est difficile, il y a beaucoup moins de choses qu'on peut mettre. Malgré tout, quand on regarde les films, non seulement bah, y a des choses qui manquent, mais en plus c'est beaucoup trop rapide. Et je crois que celui qui m'a le plus déçu dans la série, c'est Inferno, où la fin est carrément complètement changée. Pour être tout à fait honnête, j'ai pleuré en regardant le film, parce que j'ai vu le film avant de lire le livre. J'étais complètement déprimée et j'ai lu le livre et j'ai dit bon, bah, en fait c'est moins dépressif que ça finalement. Donc oui, ça m'est déjà arrivé du coup. J'ai une amie qui m'avait emmené voir Twilight et le dernier épisode justement, la fin est différente du livre que du film. Il y a des gens dans la salle qui disaient oh, mais c'est pas comme ça que ça se passe normalement. Puis moi j'ai jamais vu le livre, j'avais jamais vu le film. Je dis bon, dis donc, il y a vachement de passion, les gens sont un peu trop impliqués. Alors les jeunes sont fans d'Harry Potter, c'est indéniable. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de produits dérivés comme des fournitures scolaires, ils sont envahis dans les grandes surfaces. Alors est-ce que vous êtes vous-même une adepte du grand Harry Potter ? Est-ce que vous avez des produits dérivés, tout ça ? Alors, on pourrait être tout à fait honnête, c'est pas trop mon truc. Tout simplement parce que le produit dérivé, pour moi, fait trop commercial. Moi, ça me dérange. Ça n'empêche pas que ça m'arrive des fois de me dire, ah bah tiens, ça j'aime bien, je vais le prendre. J'ai moi-même ma baguette d'Harry Potter à la maison. mais voilà, je vais pas en faire des tonnes, je vais pas acheter tout ce que je trouve, même si je peux pas m'empêcher de regarder dans les magasins. Le prendre, c'est autre chose. Et justement, la baguette magique, vous faites quoi comme sort ? Alors j'essaie de faire Axio depuis mon canapé, mais ça marche pas. Donc Axio qui est le sortilège d'attraction. Donc normalement on est censé pouvoir attraper les choses sans bouger. Oh, des fois il suffit de regarder la tasse puis ça bouge comme ça. Des fois ça marche aussi. Ça c'est la tic-kinésie plutôt. Alors, est-ce que vous savez par qui a été inventé et écrit toutes les aventures d'Harry Potter ? Oui, c'est Joanne Kathleen Rowling. Je prononce peut-être très mal, mais... Est-ce que vous connaissez l'histoire de la création du personnage d'Harry Potter ? Alors, d'après la légende que l'auteur a relayée, elle aurait eu l'idée de ce personnage en attendant le train. C'est justement ça, oui. C'est lors d'un voyage d'un train de Manchester à Londres qui a été plus long que prévu qu'elle a imaginé l'histoire d'un garçon qui ignorait être un sorcier et qui recevait une invitation pour l'école de la sorcellerie. Alors elle n'avait rien pour écrire, mais elle a passé son voyage à imaginer la situation et à identifier ses personnages, notamment, je vais mettre mon meilleur accent anglais, Ron Weasley. Et elle s'est inspirée de son ami Sean Harris. Elle a aussi imaginé les fantômes de l'école. Alors pour l'école, elle a aussitôt imaginé un chaton, c'est mignon, un chaton du Moyen-Âge, un château datant du Moyen-Âge, situé en Écosse. À son arrivée à la gare de King's Cross, beaucoup d'idées ont déjà pris forme et elle a stocké des notes dans des boîtes à chaussures. Voilà pour ce petit point culture. Alors Christelle, que va-t-il se passer le 17 septembre ? Alors ça va être la rentrée à Poudlard. Alors pour la petite histoire, c'est les 25 ans des livres Harry Potter, donc c'est pour ça qu'on propose une rentrée à Poudlard. Ça fait 25 ans, entre guillemets, que Harry Potter est rentré pour la première fois à Poudlard, donc entre guillemets, du coup, vu que c'est la sortie des livres, hein, donc c'est même un peu plus long réellement. Donc du coup on va démarrer comme il se doit. Quand on arrive à Poudlard, on doit être réparti dans les maisons, dans les différentes maisons, Gryffondor, Serre d'Aigle, Poufsouffle et Serpentard. Donc du coup il y aura d'abord une cérémonie de la répartition. Et tout au long de la journée, il y aura différents cours qui seront proposés, mais aussi des activités dans la salle commune. Donc du coup, il n'y aura pas de salle commune par maison. Il y aura des salles communes pour toutes les maisons. Désolée pour les pour ceux qui s'attendaient à se retrouver juste avec les Gryffondor, ce ne sera pas le cas. Donc du coup, il y aura aussi plein de petites activités un petit peu partout dans la médiathèque. Vous allez mettre le chapeau sur la tête des participants pour savoir Gryffondor, Serpentard. Exactement. Bon, par contre, c'est pas lui qui parlera, ce sera moi. Sinon, il va envoyer tout le monde à Gryffondor. Alors, j'avais vu quelques Harry Potter au cinéma. Alors, je connais Gryffondor et Serpentard. Et Serpentard, je crois, c'est Dragon Malfoy, le méchant de l'histoire qui en fait partie. Mais c'est quoi les deux autres ? Alors, c'est Poufsouffle et Serre d'Aigle. Et Hermione, elle fait partie duquel ? Alors, de Gryffondor. D'accord. Alors, c'est quoi, les deux autres maisons, c'est qui les personnages principaux qui sont dedans ? On en connaît ou pas ? Oui, alors déjà, on a dans les professeurs, parce que chaque maison a son professeur. Mm-hmm. Donc, dans les Serres d'Aigle, on a le professeur Flitwick. Si je ne me trompe pas, nous avons Gilderoy Lockhart, qui était un Serre d'Aigle également. Donc, pareil, un professeur. Et à Poufsouffle, alors, ceux qui ont suivi le tournoi des Trois Sorciers savent que Cédric Diggory était un Poufsouffle. On a aussi dans les personnages principaux, par exemple, Nymphadora Tonks aussi, qui était une Poufsouffle. Il y a l'acteur principal du film Twilight, qui a joué d'ailleurs dans un Harry Potter, ça doit être Harry Potter et la Coupe de Feu, si je ne dis pas de bêtises. Qui a interprété Cédric Diggory, justement. D'accord. Alors, qui pourra venir le 17 septembre ? Tout le monde. Absolument tout le monde. C'est fait, c'est une journée familiale. Est-ce qu'il y a des horaires de prévus ? Alors, il y a des horaires, effectivement, donc pour certains cours. Donc, on a à 10h15 la cérémonie de répartition. À 10h45, nous aurons un cours de potions. Donc, celui-ci est le seul cours qui sera sur inscription pour les personnes à partir de 12 ans. Parce que c'est une question matérielle, une question de sécurité également, vu qu'on va utiliser quelques produits pour faire une poudre de cheminette. À 11h15 et à 14h, il y aura cours de Quidditch. À 11h45, cours de métamorphose. 13h30, cours d'histoire de la magie. 14h30, cours de sortilège. Et 15h30, cours de défense contre les forces du mal. Et toute la journée, vous pourrez venir de 10h à 16h, toute la journée. Je crois que Drake a envie d'y aller. Est-ce que vous avez prévu le chemin de traverse ? Peut-être. Il y a pas mal de petites choses qui sont prévues. Après le chemin de traverse, si d'ici là je trouve une solution pour le faire, peut-être. Et du coup, les cours de Quidditch, vous avez prévu des balais particuliers ou... Alors, pour le cours de Quidditch, ce sera fait par l'association Lorraine Quidditch, donc du coup, qui propose déjà des démonstrations un petit peu partout et qui est une équipe sportive, en fait, donc qui fait des compétitions de Quidditch. Mais c'est quoi le Quidditch, du coup? Parce que moi, je crois que c'était quelque chose d'imaginaire, je ne savais pas que c'était quelque chose de concret. Alors, tout à fait. C'est bien le sport qui a été imaginé par J.K. Rowling pour Harry Potter et qui a été imaginé par les Moldus, qui a été retravaillé finalement par les Moldus qui ont voulu en faire un véritable sport. Et du coup, est-ce qu'ils volent? Alors, ils ont bien le balai, mais ils ne volent pas, ils courent. Ah mince, je suis déçue. Est-ce que l'entrée sera payante? Non, tout ce qu'on propose à la médiathèque est entièrement gratuit. Est-ce qu'il y aura des intervenants? Alors oui, donc en plus de l'association Lorraine Quidditch, il y aura un magicien de Vanier, Elio le magicien. Ah, on l'a reçu, Lia l'a reçu. Ah. Donc du coup, voilà, c'est lui qui proposera le cours de sortilège à 14h30. Est-ce que vous avez des partenaires pour cet événement? Du coup, nos intervenants, effectivement. Voilà. Quels sont vos futurs projets après cette journée? Est-ce que vous avez des projets futurs après ça? Dans les gros événements? Oui, ou pour toute l'année, si vous avez d'autres événements pour la suite? Alors, pour le moment, dans les vraiment gros événements, on n'a pas de prévu vraiment énorme. Après, tous les mois, on propose différentes animations. Ce dont on peut parler, par exemple, c'est une conférence qui aura lieu au mois de novembre sur la toponymie des Vosges, donc du coup, par exemple, d'où vient le nom de Gérardmer, par exemple. Et là, comme ça, je n'ai plus rien d'autre en tête. Mais alors, je sais pourtant, notre programme est fait hein, pour la fin de l'année. Je sais à peu près ce qu'on a. Mais là, j'ai plus rien qui me vient. Je suis désolée. Est-ce que vous auriez un message à passer pour les jeunes auditeurs, pour les faire venir le 17 septembre? Eh bien, si vous voulez venir vous amuser... et vous déguiser, pourquoi pas, vous prendre pour un sorcier, c'est l'occasion de venir. Il ne faut pas hésiter, même si vous pensez que vous n'avez pas l'âge, ou je ne sais quoi, que vous avez peur de vous retrouver tout seul, ou je ne sais quoi, ne vous inquiétez pas, il y a plein de choses à faire, vous aurez de quoi vous éclater, quoi qu'il arrive, on pourra vous proposer des choses. Il y aura des jeux, des bricolages, plein de choses. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Christelle? Tout réussisse bien. Joie, bonheur. C'est ça. Que plein de monde à cette rentrée à Poudlard. Et une bonne rentrée à Poudlard, surtout. Et on souhaite également une bonne rentrée à tous nos jeunes auditeurs. Les parents peuvent enfin souffler. Alors, cette émission est maintenant terminée. Christelle, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Alors, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que vous reviendrez nous voir. Ce sera avec plaisir. J'espère également que vous aurez de nombreux participants à la rentrée qui se déroulera, rappelons-le, le samedi 17 septembre à la médiathèque de Vanier. Quant à vous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle d'Autour de vous. En attendant, portez-vous bien, c'était Laura. Bye tout le monde!